Mieux, non? Attends. Azure. Alors. Ah putain, c'est pas marqué ça. 32 échantillons, 32 échantillons. Buffer matériel peut ne pas fonctionner. Toujours rééchantillonner en 44. 512 buffers. Ah. 44. Qu'est-ce que tu m'as dit, Chris? Dis-moi ce que tu as. Ben. Ouais. Alors. 30. Tu m'entends? Moi, il y a marqué compression, compensation de la latence. 32 échantillons en entrée, 32 en sortie. Buffer matériel. Ben, c'est pas coché. Ah, ça. Ouais. Alors faut que tu vires. Je vais faire. Faut que tu vires. Faut que tu vires en entrée-sortie tout ce qui n'est pas ta carte. Faut que tu le D'accord. décoches quand, sur l'ASIO. Pareil, hein. C'est en Latency 256. Et c'est compensation, pareil. tu mets in 0 Peut-être qu'il faut sample, que je relance out l'ordinateur. 0 sample. Kernel buffer 2, le plus petit chiffre. Non, non, non. Normalement, quand tu fais ça et que tu fermes la fenêtre de l'ASIO, ça réaffiche sur Reaper les nouvelles valeurs, ton temps de latence. En haut à droite de la fenêtre, ça te marque ton temps de latence. Si ça prend pas en compte, parce que c'est marrant, tu parles, et normalement, moi, quand je fais ça, que je regarde mon ASIO, ça me coupe le son. Ça me coupe le son quand je fais ça. Hein. J'essaye. Et avec 256 buffers, tu devrais te ramener à 5 millisecondes normalement. Pour t'entendre en même temps. Ah ouais, c'est bon. Voilà, là je t'entends et je peux. Et t'es passé à combien? 5 millisecondes? Pour que tu sois bien, il faudrait que tu sois 48 kHz. 20... 11. 11 millisecondes. C'est pas normal. Buffer, tu me. C'est pas normal. Normalement, Zéro échantillon, tu buffer, c'est devrais ça? être Entrée, sortie, zéro. 48 kHz, 24 bits, WAV, 2 channels, 2 sur 2 channels, 11. 256 Toujours 11. samples et avoir 5 millisecondes ou plus petit. Mais 11 millisecondes, attends, 11 Ah ouais. millisecondes, c'est énorme.